La saison de golf s'en vient à grands pas et le club de golf de Saint-Prime vous offre des tarifs imbattables pour la nouvelle année, que ce soit pour un forfait VIP ou un forfait à 10 parties. Le club de golf de Saint-Prime a une grille d'abonnement qui plaira à tous les types de golfeurs. Pour en connaître davantage, nous vous invitons à visiter notre site internet golfsaintprime.qc.ca, notre page Facebook ou encore en appelant au 418-251-2831, poste 27. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant qu'il y avait des matchs qui nous intéressaient au deck hockey à Saint-Prime. Le Hereford Beer 2, le Queen 0, Warriors 6, Nats 5 et Normandin et le Bucks de Milwaukee se sont livrés un verdict nul de 4-4. À noter également que les Warriors ont gagné 4-3 sur le Capitaine Bob. Au soccer, des parties qui nous intéressaient aussi. Gain du Boréal 6-0 sur le Roberval United dans le U12 masculin. Triomphe de Roberval 7-0 sur Dolboom Sassini. Et dans le féminin U14, l'FC de Roberval a vaincu le Mistral de Jonquière 7-0. Ligue de balle lente de Roberval, 3 parties au programme plutôt. L'Intersport a défait Garma 10-9. Piazzotto, Roussel 10, Saint-Hubert 9 et le Bars Zodiac a gagné 28-10 contre le Megavac. C'est une volée que le Bars Zodiac ont donné au Megavac. En fin de semaine, on va surveiller un galop de boxe à Mastouillache. Il y a quand même 12 combats au programme. On va surveiller ça de très très près. C'est sous la présidence d'honneur de Michel Desgagnés. Également, il y a le repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui va se dérouler à Saint-John. Les Saguenay n'ont pas de choix de première ronde. Par contre, Yannick Jean ne ferme pas la porte à une transaction. Et on va surveiller également Samuel Girard des Cataractes de Shawinigan qui pourrait être échangé en fin de semaine. Des rumeurs font en sorte que les Cataractes pourraient se servir du défenseur de Roberval pour faire une transaction afin de se rebâtir pour les prochaines années. On va surveiller ça de très très près. Et également, samedi soir à Saint-Jean-d'Arc, c'est le gala méritance du club de judo Albatros de Dolboom Sassini. Et au cours de la soirée, on va honorer Laurien Lévesque qui a été un grand bénévole pour le secteur de Dolboom Sassini, qui a décidé de prendre sa retraite. Donc, un honneur bien mérité. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.